Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, dans ce journal parlé en langue française dont voici les grands titres. Un commerçant du nom de Hilaire Mohamed a été tué hier soir dans une embuscade d'hommes armés sur la route Bujumbura-Gatumba. Il est entré de la République démocratique du Congo selon la police nationale. 10 kiosques et leurs contenus ont été réduits en cendres près du marché de Kamenge à mairie de Bujumbura. La police parle d'incendie d'origine accidentelle. Le facilitateur dans le conflit inter-Burundais a présenté le rapport sur l'état d'avancement du dialogue lors du sommet des chefs d'État des pays de l'EAC. Le rapport a été adopté selon un communiqué sanctionnant la clôture du sommet. Les détails, c'est dans cette édition. À la présentation, vous êtes avec Pascal Nyangunze. La mise en onde est assurée par Eric Ouiman. Un commerçant du nom de Mohamed Hilaire a été tué samedi soir sur la route Bujumbura-Gatumba. Il venait du Congo où il travaille comme pompiste sur une station de carburant. Sa sœur déplore la mort de son frère et interpelle les organes habilités à faire cesser le massacre des innocents. Il a été rencontré au domicile du disparu alors que la famille et le voisin s'apprêtaient à aller à l'enterrement de son frère. Je vous prie de la suivre. Elle est traduite par Christelle Nizigama. Depuis son enfance, il n'a jamais eu de différend avec personne. Il n'était pas politicien. Sa politique était de se battre pour faire vivre ses enfants. Tout ce que je peux demander, je demande au corps de sécurité et à la justice de faire des enquêtes pour que nous sachions les personnes qui l'ont tué. Ça devient un fléau. Aujourd'hui, on le tue. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Le porte-parole du ministère de la Sécurité nationale confirme ce meurtre. Pierre Moulikier dit également que le crime a été commis à l'endroit même où s'est produit la dernière embuscade et l'enlèvement de trois personnes. Suivez Pierre Moulikier, il a été joint au téléphone par Joseph Sabiabandi. À l'endroit même où dernièrement il y avait un vol armé sur un bus qui avait également occasionné l'enlèvement des passagers. Alors à cet endroit, hier à 17h45, deux bandits armés de fusils ont tiré sur une personne appelée Mohamed Hilaire. Il est originaire de Gitega, mais il réside à Kadjaga. Il est rentré de son boulot de l'autre côté de la République démocratique du Congo. Alors, ces criminels ont tiré sur lui et il est mort sur le champ. Et puis, ils ont pris sa sacoche et ils sont partis avec. Ils croyaient que c'était plein d'argent, mais il n'y avait pas d'argent. Et puis, ils ont pris le large. La police a directement commencé les enquêtes et a pu récupérer la sacoche et quelques photos qui étaient dedans. Et elle continue à rechercher ces criminels pour les appréhender et les traduire devant la justice. Est-ce que vous avez déjà parlé à la famille de la victime pour confirmer si réellement dans la sacoche il n'y avait pas d'argent? Oui, la police locale a déjà parlé à la famille de la victime, plus précisément à sa femme qui est congolaise, qui était à Kadjaga même. C'est la famille qui a précisé qu'il n'y avait pas d'argent dans cette sacoche. Vous parlez avec précision que ce sont des bandits qui se sont attaqués à ce commerçant. Qui vous fait dire cela? Ce sont les enquêtes de police, les premiers éléments d'enquête. Est-ce qu'ils seraient des récidivistes ou bien ils étaient inconnus de la police? On ne sait pas encore, d'autant plus que l'identification de ces criminels n'est pas encore faite. L'enquête a déjà commencé. C'est après qu'on les aura identifiés qu'on pourra dire si réellement c'est ceux-mêmes qui avaient commis la tentative de vol sur le bus et qui avaient enlevé les personnes, y compris le prêtre, ou alors si ce sont les autres bandits armés. Un incendie s'est déclaré près du marché de Kamenge, brûlant complètement 10 kiosques et leur contenu. Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, l'origine de l'incendie est accidentelle. Suivez encore une fois Pierre Moulikier. C'était pendant la nuit d'hier, vers 22h20, quand un incendie d'origine accidentelle a endommagé 10 kiosques qui ont été brûlés complètement et leur contenu. Et l'origine de l'incendie, c'est une bougie qui était allumée par trois jeunes gens qui travaillent là-bas dans ce kiosque et qui se sont endormis oublia d'éteindre la bougie et puis la bougie a brûlé le premier kiosque qui a alors causé l'incendie des 9 autres. Mais la police est intervenue et a pu maîtriser l'incendie avant que notamment le marché et les autres maisons avoisinantes ne soient atteintes. Est-ce que la police connaît déjà les dégâts en détail? Non, la police n'a pas encore terminé la quantification des dégâts, mais les kiosques ont été complètement brûlés, ainsi que les contenus, qui sont essentiellement des marchandises, parce que ce sont des kiosques qui servent à vendre des marchandises. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons ce journal avec la page sécurité. Certains jeunes Imbonerakure de la colline Gasenyi en commune Burambi de la province Rumonge sont accusés par certains habitants de cette localité de les malmener sur ordre du chef collinaire. Ce dernier ne nie pas sa collaboration avec ces jeunes du parti au pouvoir, mais rejette les accusations faisant état de menaces à l'endroit de ses habitants. Jean-Pierre Misago. Selon certains habitants de Gisenyi, certains parmi les Imbonerakure de cette colline ont perturbé les activités d'investiture de Bashinganahe de cette colline ce samedi. Ils ont exigé avant tout leur part, contrairement à la tradition. Jonathan Minani, chef de colline Gisenyi et qui était sur place en tant que parrain de l'un de ceux qui allaient être investis Bashinganahe, a voulu ramener à la raison ces Imbonerakure qui s'accaparait déjà de la bière et a été giflé par un participant dans ces festivités qui le taxait de commandant de ces Imbonerakure. Une semaine avant, des Imbonerakure avaient exigé une amende de 2000 francs burundais chacun à trois hommes qui aidaient en veuf dans les travaux champêtres, arguant qu'ils n'avaient pas participé dans les travaux communautaires de la journée. Certains habitants de Gisenyi appellent à leur chef collinaire de cesser d'impliquer les Imbonerakure dans la transmission des ordres sur cette colline, mais d'user du pouvoir lui conféré par la loi et les forces de l'ordre reconnues avant que la situation ne dégénère. Jonathan Minani reconnaît que des Imbonerakure ont été sollicités pour mobiliser la population aux travaux communautaires, mais qu'il n'a jamais ordonné la perception d'amende ou autre bavure. Ce chef collinaire dit que la justice sera saisie sur ce qui lui est arrivé ce samedi. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. L'Association pour la défense des droits des victimes et familles des victimes du mouvement dit insurrectionnaire de 2015 condamne l'attaque perpétrée à Moussaga en date du 17 mai qui a coûté la vie à trois personnes et faisant plusieurs blessés. La VMI 26 qualifie l'attaque d'un acte criminel attribué à ceux qu'elle qualifie d'insurgés. Cette association se dit également indignée par des propos de la rédaction de France 24 qui, selon elle, a qualifié les victimes comme étant des miliciens Imbonerakure et demande à cette rédaction de présenter ses excuses et de rediffuser l'information après l'avoir corrigée. Elle demande également aux instances compétentes d'accélérer des enquêtes. Isanganiro. Page politique de ce journal, dans le sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, le facilitateur dans le conflit inter-burundi, Benjamin Mkapa, a présenté le rapport sur l'état d'avancement du dialogue. Selon le communiqué qui sanctionne la clôture de ce sommet, le rapport du facilitateur a été adopté. Le sommet des chefs d'État s'est penché également, entre autres, sur l'état d'avancement de l'accord économique entre l'Union européenne et l'EAC, Joseph Sabiabandi. Dans ce 18e sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, le facilitateur Benjamin Mkapa a présenté le rapport sur l'état d'avancement du dialogue extérieur. Les chefs d'État ont adopté ce rapport et ont réaffirmé leur soutien au facilitateur. À cette occasion, le premier vice-président du Burundi, Gaston Sindimo, a présenté la situation sociopolitique du Burundi et l'état d'avancement du dialogue interne. Comme nous le lisons toujours dans le communiqué final du sommet des chefs d'État de l'EAC, les chefs d'État sont revenus sur l'état d'avancement de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et l'EAC. Les chefs d'État se sont rendus compte que les pays de la communauté qui n'ont pas encore signé cet accord ne sont pas prêts de le faire et que cela ne doit pas désavantager en aucun cas le Kenya qui a déjà signé cet accord. Les chefs d'État ont recommandé au nouveau président de l'EAC, Yoweri Kaguta Museveni, d'entrer en contact avec l'Union européenne pour lui communiquer la position de l'EAC. Si aucun moyen n'est trouvé pour faire avancer le dossier, le président de l'EAC a été autorisé d'explorer les modalités pour que l'accord soit mis en œuvre par chacun des pays membres de l'EAC. Le sommet a aussi décidé que les sanctions de l'Union européenne contre le Burundi doivent être rediscutées en même temps qu'on échangera sur l'accord de partenariat économique entre l'EAC et l'Union européenne. Le sommet des chefs d'État a en outre noté le déclin des échanges commerciaux au sein de la communauté et a recommandé au Conseil des ministres de l'EAC de résoudre la question des barrières non tarifaires et de présenter le rapport au 19e sommet des chefs d'État de l'EAC. Merci Joseph Sabiabandi. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Eric Ouimane pour sa collaboration technique. Pascal Nyanguze était à la présentation. Au revoir et bonne écoute de la radio Isanganiro.